brothers and sisters. And tonight, let's go for our French cuisine. La rondelle de l'abîme fourrée à la béchamel. La calebasse de pigeonneau fourrée au sein doux. Nous allons nous régaler ce soir. Le savoir-vivre à la Françoise. Louis Fantine, le château de Versailles. Oui, messieurs, dames. Bon appétit, s'il vous plaît, monsieur. Louis Fantine, explore du nord de Guinée. for a good dictatura. Hello! Okay, are you okay here? Yeah. After the dictature, let's go for Parfum Greenwich. Parfum Greenwich for men, for women, and for the others. Parfum Greenwich? Two for the price of three tonight. Parfum Greenwich? You can taste it. Yes. Parfum Greenwich? Nice. Parfum Greenwich for men, for women, and for the others. Parfum Greenwich? Mon chien mauricane, tête de Vogue, Rémitch, la voilà sa cam. pad, drum pad for the drummer. Yes. masturbation. Masturbation. Dankjewel!